Monsieur de Lerne, cependant, était loin de s'attendre à la fête qui se préparait pour lui. Il fit tranquillement sa promenade quotidienne au bois et rentra chez lui vers 6 heures. Il y trouva, non sans surprise et non sans ennui, les cartes de messieurs de la Jardie et d'Hermanie, sous enveloppe fermée, avec cette annotation au crayon. « Venu pour affaires personnelles au baron de Morescan. Auront l'honneur de revenir à 6h30. » Jacques n'eut pas besoin de longues réflexions pour deviner de quoi il s'agissait. Bien qu'il ignorât les infâmes propos tenus par Diana Gouet après son départ, l'irritation de monsieur de Morescan pendant le déjeuner ne lui avait pas échappé, et il comprit aussitôt, avec la prompte lucidité des imaginations vives, la vérité de la situation. Monsieur de Morescan saisissait le premier prétexte sortable pour satisfaire sa haine de mari jaloux sans compromettre le nom de sa femme. Monsieur de Lerne n'avait rien à dire à cela. Il écrivit à deux de ses amis, messieurs Jules de Rambert et John Evelyn, ce dernier anglais, fit porter les lettres en toute hâte et eut le plaisir de les voir arriver l'un et l'autre chez lui quelques minutes après qu'il eut reçu messieurs de la Jardie et d'Hermanie. Il laissa les 4 témoins ensemble et se tint à leur disposition dans une pièce voisine. L'affaire était de celles qui ne se discutent pas longuement, parce que tous les intérêts savent qu'il y a, sous le motif ostensible de la querelle, un autre motif qui est le véritable, et qui, d'un accord commun, ne peut être ni contesté, ni même indiqué. Aux griefs allégués par messieurs de la Jardie et d'Hermanie, au nom de monsieur de Morescan, messieurs de Rambert et Evelyne répondirent au nom de leurs clients que ces griefs étaient purement imaginaires, que toutefois, puisque monsieur de Morescan se regardait comme offensé, monsieur de Lerne ne pouvait que s'incliner devant son appréciation. Du reste, monsieur de Lerne, comme monsieur de Morescan, était d'avis que l'affaire fût vidée aussitôt qu'elle pourrait l'être, et avant que le monde pût s'en occuper. Quant au choix des armes, les témoins de monsieur de Lerne ne se montrèrent pas tout à fait aussi accommodants. Ils avaient reçu de Jacques, sous le sceau du secret, une confidence très délicate. « En principe, leur dit-il, j'accepte l'épée, j'accepte tout. Mais vous savez que j'ai été blessé au bras droit il y a 2 ans, dans mon duel avec Montélin. Il m'est resté de cette blessure un peu de faiblesse dans le bras. C'est peu de choses et cela dépend un peu du temps qu'il fait. Mais enfin, cela peut me gêner sur le terrain. Prendre prétexte de cette petite infirmité pour exiger le pistolet, je ne le peux pas, car elle n'est pas apparente. On me voit tous les jours toucher du piano d'une main très ferme. On croirait que j'invente un faux fuyant pour me dérober à la flamberge de Morescan, qui tire très bien. Donc, sur votre honneur et pour le mien, pas un mot de mon bras. Mais si vous pouvez obtenir le pistolet par quelque argument honorable, j'en serai bien aise. » Ils s'efforcèrent donc de représenter aux témoins de monsieur de Morescan que, l'affaire étant engagée comme elle l'était, la qualité d'offenseur ou d'offensé demeurait réellement douteuse entre les deux adversaires. La provocation adressée par monsieur de Morescan à monsieur de Lerne, à la suite d'incidents dont il était impossible de méconnaître la futilité, n'avait-elle pas un caractère excessif qu'il assimilait à une véritable agression? Il leur paraissait, en conséquence, vraiment juste et convenable que le choix des armes appartint à celui qu'on venait provoquer, en quelque sorte gratuitement, ou tout au moins que ce choix fût remis au hasard. Messieurs de la Jardie et d'Hermanie répondirent, avec une froide politesse, qu'il ne pouvait être sérieusement question d'une pareille transposition de rôle dans cette malheureuse affaire, et que le refus persistant de reconnaître les droits de leur client à la qualité d'offensé équivaudrait, de la part du comte de Lerne, à un refus de réparation qui ne pouvait certainement entrer dans ses intentions. Messieurs de Rambert et John Evelyn ne crurent pas devoir insister davantage. Ce fut dans la suite une question très controversée dans le public que celle de savoir s'ils avaient eu raison. Les uns prétendaient que les témoins de M. de Lerne, dès qu'ils étaient instruits de son infirmité, si légère qu'elle fût, ne pouvaient plus laisser s'engager le combat dans des conditions évidemment inégales. D'autres, plus compétents à ce qu'il semble, soutenaient que les témoins, en pareil cas, ont pour premier devoir d'observer religieusement les instructions de leur mandant, qui leur confie en premier lieu le soin de son honneur et en second lieu seulement le soin de sa vie. Il fut donc convenu que le combat aurait lieu à l'épée et qu'on se rencontrerait le lendemain à 3 heures de l'après-midi à Soigny, sur la frontière belge. Jacques apprit sans émotion apparente le résultat de la conférence, remercia ces messieurs de leurs bons soins et de leurs efforts, leur dit gaiement qu'il espérait bien s'en tirer tout de même, et leur donna rendez-vous pour le lendemain matin, 7 heures, à la gare du Nord.